traverser le ciel, papa géant. Et voilà que ça reprend si tendrement, si j'ose vraiment, plus haut de mes 20 ans. Dire que d'un coup le soleil me semble chantant et que je m'émerveille de tes mitons. Et voilà que ça me reprend.